Il faudra leur dire à quelque part que ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Mais comment veux-tu que je te dise? Comment veux-tu que j'explique? À 60 ans, viens plus m'emmerder maintenant. À 20 ans, on me disait, tu verras quand t'auras 60 ans, j'en ai 60. Maintenant, on me dit, tu verras quand t'auras 80 ans. Quand j'en aurai 100, on me dira, tu verras quand t'en auras 110. Je monterai sur un tonneau pour leur dire merde, comme j'ai envie de leur dire merde. Comme j'aurais passé ma vie à leur dire merde, pour pas suivre leur chemin parce que je les emmerde. N'oubliez jamais que ceux qui ont des matraques comme ça, et ceux qu'on appelle CRS, sont jamais que des fils de prolétaires qui n'avaient plus de boulot. Et c'est la seule chose qu'ils ont trouvé. Alors on leur vide la tête jusqu'à quand ils se retrouvent dans une manifestation à charger leur propre père. C'est l'affaire sur cette terre, vie dans l'air, bulldozer mon affaire. Depuis le petit cercle, on s'en sort, ou t'es mort, ou tu meurs. Dans la vie, à sonne père pour te tendre la perche. Sans les terres, vie de ma mère. Dans tous les cas, mon état, nique l'état et leurs antifas. Antifions, trop bouffons, retournez, écoutez vos moutons. Des pantins du système, y'a la haine qui circule, qui propage la rage en chacun, s'attendant des draps de satin. Trop de salauds sous morpho qui tapinent, ou qui s'alignent écœurés. Ouais, dans ce son, j'suis dégoûté. Toujours envie de les dégueuler et cervelés. Ça, c'est pour les cervelles allaitées, pour les illettrés, c'est pour les abonnés. Pour du son, pour les gars, chaque fois, on est là. Représente pour les petits dégâts, pour les petits débats à fond, pour les petits qui aiment écouter du bon son. Le son, ma putain de révolution. Évolution sans cesse, sans stress. On pose la dèche, plus d'une flèche dans mon car, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Quel butin, quoi? MDF, perfect désert, c'est l'alchimie. Pas de tableau de Mendeliev, t'as la fièvre. On ramène la pharmacie, reste à l'ancienne comme les Amish. Perce tes enceintes, on traîne pas à Miami. Quand je me lève, j'ai la haine, les dents en ligne de mire. MDF, perfect désert, pas Archimède. Ça pousse dans les lyrics, musique brassée avec savoir comme la chimée. Tu sens la pression à 2000 mètres, révolution du con, c'est assez sectaire. Les révolus du son sont pas prêts de nous faire taire. Rien à foutre de tout vu que tout est truqué. On va pas modifier notre aspect, trop tarpé, reloqué. Ils sont pas dans la révolution, ils sont dans leur fauteuil avec la télécommande. Ils voient pas la corruption qui a toujours été là. Faire des textes en sommation, MDF, désert, perfect, casser sa sale son. J'vois aucune guérison, que des guérillards, trop de taxes. Trop se tape tous les jours pour un bout de pain. Le système peut te laisser crever la dalle, ça les empêche pas de dormir. L'apocalypse ou la révolution, y'a que ça pour les réveiller. Bien sûr ils parlent d'évolution, mais pas de la régression. Tout est bien calculé pour ceux d'en bas comme moi, y'en a plus que des millions. Avec des situations bien pires, la planète va mal. C'est triste, et on dirait qu'y'a plus rien à faire. MDF, perfect désert, c'est l'alchimie. Pas de tableau de Mendeliev, t'as la fièvre. On ramène la pharmacie, reste à l'ancienne comme les Amish. Perce tes enceintes, on traîne pas à Miami. Quand je me lève, j'ai la haine, les temps en ligne de mire. MDF, perfect désert, pas Archimède. Ça pousse dans les lyrics, musique brassée avec savoir comme la chimée. Tu sens la pression à 2000 mètres, révolution du con, c'est assez sectaire. Les révolus du son sont pas prêts de nous faire taire. Tous proches de péter un fusible. T'as faux chantier en usine, car ils sont commis en cuisine. Fatigue mentale ou physique, on en a plein les couilles. De s'user quand les politiques s'en mettent plein les fouilles. Alors on fume le mallet dans des feuilles. Y'a que pour ta mise en terre en chrysanthème qu'on va jeter des fleurs. Sur un truc récidive, j'ai des récits tristes. Vu que tous se précipitent dans le précipice. On manque d'équilibre, comme le samedi soir. Ça me déçoit, le bonheur a disparu, le respect est parti le voir. Aucun patrimoine, ni grande fortune. Notre quotidien, genre torture entre gens tordus. Du genre tendu. Donc chaque jour une parade j'en torche une. Le soir je fais couler plus d'encre qu'un porte-plume. Je fais pas ça pour te plaire. Et si on t'écrit avec le cœur, normal que nos textes aient un goût de pierre.